Piste 48. Exercice 7. 1. C'est mon chanteur préféré. C'est mon acteur préféré. 2. Un grand sportif. Un grand artiste. 3. Il habite chez ses parents. Il habite chez une amie.